Il y avait des pigeons. Comme il y avait du grain, il y avait des pigeons, parce qu'il y avait toujours du grain qui tombait, un sac qui se renversait, il y avait beaucoup de pigeons. Donc il y avait toujours un pigeonnier dans les moulins. Bon, mais alors après, ils mangeaient les petits pigeons, malheureusement. Bon, voilà. Et c'est ce fameux pigeonnier en tuiles bâties. On escaladait ces tuiles bâties comme une échelle. Et nous, quand on était petits, on envoyait la main dans les nids parce qu'on n'y voyait pas bien. Et il y avait des œufs chauds, il y avait des œufs froids. Bon, les œufs chauds étaient les œufs fécondés, les œufs froids étaient les œufs qui n'étaient pas fécondés. Nous, on prenait tous les œufs froids. Parce que ceux-là, de toute façon, ils ne donneraient jamais de pigeons. Et après, on s'amusait avec ces œufs froids. On faisait n'importe quoi, voilà. On cherchait les œufs. Donc il y avait des rats, il y avait des chats, il y avait des pigeons. Et alors après, il y avait une denrée extraordinaire pour attraper les grives, parce qu'il y avait beaucoup de grives à ce moment-là. Hein. Et les grives, ils les prenaient au piège. Bon, c'était permis, après ça a pu être, mais c'était permis. Bon, piège à grives, vous savez ce que c'est un piège rond. On l'ouvre, on le bloque, on le met dans une taupinière, c'est-à-dire, attends, de façon à ce que le piège devienne invisible et que ne sorte de la taupinière que l'emplacement où on va mettre l'appât. Et alors là, on prenait ce qu'on appelait des vers de farine. Soit la farine, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que, comme la farine moisit ou fermente, dans certains coins du moulin, parce qu'on ne faisait pas le ménage tous les jours, derrière des piliers ou quoi, il y avait, je me rappelle, des petits tas, gros comme la marmite, là, d'une farine qui n'avait plus l'aspect d'une farine, qui s'effilochait, enfin bon, qui faisait une espèce d'amas. Et quand on ouvrait ça, il y avait des vers de farine. On appelait ça un ver, mais ce n'est pas dégoûtant. Hein. Pas dégoûtant comme un ver de terre, pas du tout. C'est une bête qui doit faire à peu près 2-3 cm de long, mordorée. Superbe, vernissé, annelé, quelque chose de magnifique. Je crois même pas que ce soit un ver. On appelle ça un ver, mais ça ne doit pas être un ver, parce qu'il me semble qu'elle avait des petites pattes. Enfin, peu importe, elle était superbe. Et donc, on mettait ce ver dit de farine sur le piège à grive enfermé dans sa taupinière. Il se trémoussait, mais au bout de 5 minutes, il y avait une grive. Hein. C'était irrésistible. Voilà. Voilà la faune essentielle qu'il y avait dans un moulin.